Mardi 21 juin. Chapitre 1. Dans son rêve, il voit un cheval décapité suspendu à des câbles dans le blizzard glacé. Il voit un cercle d'étudiants réunis autour d'une piscine où flottent des poupées aux yeux bleus, ouverts et fixes. Il voit un brave berger allemand qui se fait dévorer par des loups en défendant son maître dans une forêt polonaise. Il voit un chalet brûlant comme une torche dans la nuit, avec à l'intérieur deux âmes perdues, maudites. Il voit deux sœurs en robe de communiante sous la lune se tenant par la main. Une silhouette étendue sur un lac gelé de montagne, recouverte d'une carapace de glace. Un jeune homme serre renversé par une voiture sur une route déserte. Bien d'autres. Il voit un père assis à son bureau, l'écume aux lèvres. Un bébé mort, son bébé. Il voit des morts, femmes, hommes, enfants. Il voit le meurtre, la torture et le carnage. La haine, la vengeance, l'appât du gain, le deuil, la stupidité. Et personne n'y peut rien changer, car c'est ainsi depuis la nuit des temps. Un son strident le blessa, tel un stylet planté dans son oreille. Il se réveilla et comprit. Chaque fois que le téléphone sonnait à l'aube, il savait que l'océan de la nuit venait de rejeter un nouveau cadavre sur le rivage du jour.